va très dur, il vient comme été. Connais pas les congélés, il t'était. Fais lâcher une bête, bon ça va fouetter. DJ fait péter, let's go. De pire en pire, au nom de mieux en mieux. De pire en pire, au nom de mieux en mieux. Que j'ai dans la tête, j'levé sous les yeux. On changera l'histoire si Dieu le veut. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. Ce que j'ai dans la tête, j'levé sous les yeux. On changera l'histoire si Dieu le veut. Maroon, règle bien ma voix, augmente l'écho. Maman tient ma carte, refait la déco. Sous le canapé des anciens mégots. Ressens-tu la fierté de mon ego? J'ai mis le game à mes pieds, aussi, aussi joué au Lego. Jamais assez, assez, jamais Keplo. Mon inspiration revient comme Seco. Bien trop anti-Yali, radio m'ont mis sur le déco. Gentleman je suis, donc je te sauverai comme Léo. Enculé de flic, je suis Kalash, je suis Théo. Accident, mon cul réfléchi et haut. Libéré je suis, mon espoir n'a aucun vévo. De pire en pire, au nom de mieux en mieux. De pire en pire, au nom de mieux en mieux. Que j'ai dans la tête, j'levé sous les yeux. On changera l'histoire si Dieu le veut. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. Ce que j'ai dans la tête, j'levé sous les yeux. On changera l'histoire si Dieu le veut. Cling, cling, coupe à la sang, chin, chin, dans ma dream team. Pas de lâcher victime, c'est ça. Bim, bim, coup de calache aux vitrines. Dans la ville, ils disent que j'ai glocké, bling, bling. Donne-moi 10 000 et j'enflamme ton building. J'suis pas Mick Mill, j'lâche que de gros missiles. Mandine, Nina, Big Deal, et je suis un fils d'île. Le temps file, file, triple-le comme Jim Bill, c'est ça. Levé sous les yeux, on changera l'histoire si Dieu le veut. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. Ce que j'ai dans la tête, j'levé sous les yeux. On changera l'histoire si Dieu le veut. En pire, en pire, en pire, en pire, en pire. En pire, en pire, en pire, en pire. Si Dieu le veut.